La troupe artistique Wang Jiesen a commencé le 7 courant la tournée locale à l'arrondissement de Samjiyon de la province du Liangang, où se trouve le mont Baektu, mont sacré de la Révolution. Au spectacle ont assisté les cadres et les travailleurs de Samjiyon. Sur la scène ont été montés des numéros variés. La musique d'inauguration « Nous irons au mont Baektu », le solo vocal féminin et le bangtan « Où êtes-vous, respecté général », chef-d'œuvre classique, l'ensemble vocal féminin « Notre camarade Kim Jong-un », le duo vocal féminin « Le monde magnanime », et la danse nationale danse au tambour.